بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا وعملا صالحا ونعوذ به سبحانه وتعالى من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن نفس لا تشبع فلا زال الحديث مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن عقيدة أهل السنة والجماعة ومن سار على نهجهم وطريقتهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا معهم ومنهم من عقيدة أهل السنة والجماعة حب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر وطغيان ونفاق فحب الصحابة رضي الله عنهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والطعن فيهم لا يجوز وسبهم لا يجوز وهذا من فعل الخوارج نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. Donc, parmi la croyance des gens de la Sunna et de la Jama'a, ceux qui s'attachent à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la voie sur laquelle étaient les compagnons radiyallahu anhum, il y a le fait d'aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la religion, fait partie de la foi et fait partie de la perfection. Alors que les détester est de la mécréance, et de l'ingratitude et de l'hypocrisie. Et suivre la voie des sahaba radiallahu anhum et leur pas est une vertu. Et imiter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un moyen d'atteindre notre objectif. Suivre leur voie et les aimer fait partie de la sunna. Car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleurs des hommes. Les insulter ou s'attaquer à leur honneur fait partie des grands péchés de cette religion. Comme les chiites et les khawarij sont tombés dans ce blasphème. Fal hadith ou لا زال مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد تكلمنا وتحدثنا عن مناقبه وموقفا من مواقفه رضي الله عنه. Donc nous allons continuer à parler de Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه. Et nous avions déjà parlé de ce compagnon aujourd'hui. Nous avions parlé de ses mérites, de ses qualités. Et nous nous sommes arrêtés sur une position de ce compagnon radiyallahu anhu. والآن سنتحدث عن مواعظ ذاك الصحابي الجليل رضي الله عنه ونقف عند أربعة من مواعظه رضي الله عنه. Et maintenant, nous allons nous arrêter sur quatre exhortations de Abdullah ibn Mas'ud. Qui, pour celui qui les médite, se rendra compte qu'elle tire et qu'elle puise sa source directement du livre d'Allah et directement de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَالْمَوْعِظَةُ الْأُولَى يَحُثُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةِ وَفِي الْمَسْجِدِ. La première exhortation avec laquelle nous allons nous arrêter, c'est Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu exhorte les musulmans à accomplir la prière à la mosquée en groupe. يقول عبد الله بن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. عبد الله بن مسعود nous dit: celui qui désire, qui espère, qui veut rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala demain en étant musulman, qu'il soit assidu aux prières à la mosquée où l'adhan est fait. Et il continue en disant: Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam les chemins de la guidée. Et ces prières font partie de ces chemins de la guidée. Et si vous faites vos prières dans vos maisons, comme le fait cet homme qui reste chez lui, alors vous délaisserez la sunna de votre prophète. Et si vous délaissez la sunna de votre prophète, vous vous égarez. ثم يقول وما من رجل يتطهر في بيته فيحسن الوضوء ثم يعمد إلى مسجد من مساجد الله إلا كتبت له أو إلا كتب له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنها أو عنه بها خطيئة. Et Abdullah ibn Mas'ud continue en disant: nul ne fait ses ablutions chez lui parfaitement et correctement, et ensuite se dirige directement à la mosquée, sans que pour chaque pas, une hasanat lui sera comptée, et sans que pour chaque pas, il soit élevé d'un degré, et sans que pour chaque pas, un péché lui est effacé. ثم يقول ولو رأيتنا ولو رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الحديث رواه مسلم. Il continue et il termine en disant: personne ne manquait la prière en groupe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est un hypocrite dont l'hypocrisie est avérée. Aussi l'homme était porté entre deux personnes jusqu'à ce qu'il prenne place dans le rang. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. هذه وصية والله نحن في أمس الحاجة إليها فالمساجد تشتكي من قلة المصلين فيها جماعة ولا سيما صلاة الفجر. Et aujourd'hui, nous avons énormément besoin de cette recommandation, de cette exhortation de Abdullah ibn Mas'ud. Les mosquées aujourd'hui se plaignent, elles sont vides, et en particulier pour la prière de l'Fajr. فأين أخذ عبد الله بن مسعود هذه الموعظة أخذها من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله. يا عبد الله بن مسعود, d'où puise-t-il cette exhortation? Il puise son exhortation et ses paroles que nous venons d'entendre du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah parle, ça ressemble aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالله عز وجل في كتابه يأمر المسلمين يأمرنا بأداء الصلاة في المساجد. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله سبحانه وتعالى lui-même ordonne les musulmans d'accomplir la prière en groupe et dans la mosquée. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, accomplissez la prière et donnez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Inclinez-vous avec les gens qui s'inclinent, avec le groupe qui s'incline. Et Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, dans des demeures, il s'agit des mosquées, dans des demeures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis d'élever et où son nom est invoqué, où le nom d'Allah est glorifié le matin et le soir par des hommes que ni le commerce, que ni la vente ne distrait du rappel d'Allah. Combien d'entre nous aujourd'hui est distrait par le commerce, par la vente ou par le travail et il délaisse la prière à la mosquée. Et Allah Azza wa Jal continue de dire que ni le commerce ni la vente ne distrait du rappel d'Allah, de l'accomplissement de la prière, de l'accomplissement de la zakat. Ils craignent un jour où les cœurs et les regards seront bouleversés. فهذه الصلاة صلاة الجماعة لا يتخلف عنها إلا معذور أو امرأة أو منافق ونسأل الله العافية. Et la prière en groupe, seules les femmes ou seules les personnes excusées peuvent ne pas y participer et la délaisser. Ou bien un hypocrite, qu'Allah nous en préserve. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل أعمى فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجد أو ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أتخلف عن صلاة الجماعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ فقال الرجل نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأجب. والحديث رواه مسلم. Il a été rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, un homme aveugle est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم et lui a dit يا رسول الله je n'ai personne pour me guider à la mosquée, pour faire la prière en groupe. Puis-je l'accomplir? Ai-je la permission de l'accomplir à la maison et de délaisser la prière en groupe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un premier temps, lui a dit oui. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé cet homme et lui a dit, est-ce que tu entends l'appel à la prière? L'homme a dit oui, ya Rasulallah. Cet homme est aveugle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu dois répondre à l'appel. Sommes-nous aveugles? Sommes-nous malades? Pourquoi délaissons-nous la prière faite à la mosquée? Surtout la prière de l'Fajr, où beaucoup d'entre nous ne travaillent pas. Ou la prière de l'Isha, où beaucoup d'entre nous ne travaillent pas. Ceci concerne la première exhortation de Abdullah ibn Mas'ud sur le caractère important de la prière faite en groupe dans la mosquée. وَالْمَوْعِظَةُ الثَّانِيَا يحذر فيها عبد الله بن مسعود المسلمين من الافتتان من الدنيا أو الافتتان بالدنيا والغرور منها فإنها فانية. La deuxième exhortation de Abdullah ibn Mas'ud, là Abdullah ibn Mas'ud met en garde les musulmans, il nous met en garde contre les perturbations de cette dunya, contre les dangers de cette dunya, contre la tentation de cette dunya, la tromperie, la distraction de cette dunya. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الدنيا دار من لا دار له وبال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له والحديث في مسند الإمام أحمد. عبد الله بن مسعود dit la vie, cette vie, cette dunya, c'est la maison de celui qui n'a pas de maison. Et c'est la fortune de celui qui n'a pas de fortune. Et n'amasse que pour cette dunya que celui qui n'est pas doué de raison. La dunya est la maison de celui qui n'a pas de maison. C'est-à-dire celui qui s'adonne à cette vie et oublie les ordres d'Allah n'aura pas la maison de l'Akhira. Et celui qui est soucieux de ramasser les fortunes de cette vie au détriment de sa religion n'aura pas la fortune de l'Akhira. C'est pourquoi qui va changer son Akhira pour son dunya si ce n'est un homme qui n'a pas de raison et qui est l'homme qui n'a pas la tête sur ses épaules. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما من يوم إلا ملك ينادي يا ابن آدم قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. Et Abdullah ibn Mas'ud disait dans ses exhortations, peu de choses de cette vie, où il disait, chaque jour il y a un ange qui appelle et qui dit, ô fils d'Adam, peu de choses te suffisent, c'est mieux que beaucoup de choses qui vont te faire dépasser les limites. Wa yaqul radiyallahu anhu, man arada ad-dunya أضر بها الآخرة ومن أراد الآخرة أضر الدنيا يا قوم فأدروا بالفاني للباقي. Et Abdullah ibn Mas'ud disait, celui qui recherche ce bas monde causera du tort à la maison de l'Akhira. Celui qui veut ce bas monde en oubliant les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va perdre, il risque de perdre son Akhira. Et celui qui s'attache à être parmi les habitants du paradis, il risquera de perdre ce bas monde. Et il disait, causez du tort à votre bas monde, qui est éphémère, mais surtout ne causez pas du tort à votre akhira, qui est éternel. Wa yaqulu radiyallahu anhu, antum aktharu siyaman, wa atwalu salatan, wa aktharu ijtihadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, وهم كانوا خيرا منكم قالوا ولما يا أبا عبد الرحمن فقال رضي الله عنه كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. عبد الله بن مسعود disait, vous jeûnez plus que les compagnons, vos prières sont beaucoup plus longues que celles des compagnons, et vous déployez beaucoup plus d'efforts que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré tout, les compagnons du prophète étaient meilleurs que vous. On dit, comment ça y a Abdullah? Comment ça y a Aba Abdurrahman? Et il a dit, parce qu'ils étaient moins attachés à cette vie et ils étaient plus désireux de l'autre vie. فَلِنْشِغَالُ بِالدُّنْيَا وَجَمْعُهَا أَضَرَّ بِالْأُمَّةِ كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. وهذا كناية عن الاشتغال بالدنيا على حساب الدين وعلى حساب أوامر الله وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. Et s'adonner à la dunya, être plongé dans la dunya, en faire la priorité des priorités, et être soucieux de regrouper la dunya, tout ce que tu peux regrouper de cette vie, comme richesse et comme bien, a causé beaucoup de tort aux musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous vous adonnez aux prêts bancaires, et si vous vous adonnez à l'élevage et à l'agriculture, c'est-à-dire si vous adonnez énormément à cette vie, au point de délaisser les ordres d'Allah, et si vous délaissez le djihad fi sabilillah, Allah azza wa jal va abattre sur vous une humiliation. Allah va abattre sur vous une humiliation qui n'enlèvera pas jusqu'à ce que vous revenez à votre religion. وهذا لا يعني أن المسلم يتخلى عن الدنيا. Là, ceci ne veut pas dire que le musulman, le fait de ne pas être perturbé par cette vie, de ne pas être trompé par cette vie, de ne pas s'adonner à cette vie, ne veut pas dire de délaisser cette vie. Parce que le musulman doit subvenir à ses besoins. Le musulman doit subvenir aux besoins de sa famille. Et ceci est recommandé. Et ceci est demandé. Et ceci, la personne qui le fait est récompensée. Mais ici, ce qui est voulu, c'est la personne qui s'adonne à cette vie au point où elle ne fait pas la prière. La personne qui s'adonne à cette vie alors que sa religion diminue, sa foi diminue, son argent augmente, sa fortune augmente, et la personne, ça lui fait ni chaud ni froid. Celui qui a atteint cet état, ce stade, à ce moment-là, al-iftitan ou bid-dunya l'a touché. La perturbation de cette vie et la tromperie de cette vie l'a touché, et il doit prendre garde et reprendre le bon chemin. ويقول عبد الله بن مسعود اللهم وسع علي في الدنيا وهذا دليل على أن المسلم أو هذا مما يدل على المسلم لا يتخلى عن الدنيا اللهم وسع علي في الدنيا وازهدني فيها ولا تزوها عني فترغبني فيها أو فترغبني فيها وكما قال القائل الدنيا كالدابة إذا ركبتها حملتك وإذا ركبتك أهلكتك. Et Abdullah ibn Mas'ud disait dans ses dua: Ô Allah, accorde-moi la largesse dans cette vie. Avec tout ce qu'il nous a dit précédemment, il demande quand même, il dit: Ô Allah, accorde-moi la largesse dans cette vie. Accorde-moi la largesse dans cette dunya. Et fais en sorte qu'elle ne me préoccupe pas. C'est ça, notre dunya ne doit pas nous préoccuper. Et il dit, et n'éloigne pas de moi de dunya, au point que finalement, j'aurai envie d'aller vers elle. Donc le musulman doit être dans le juste milieu. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, une fois, disait dans une de ses cassettes, dans un de ses cours, il disait, Mal hikmatu min khalqil insan. Quel est le but pour lequel Allah a créé l'homme? Et il a cité le verset où Allah Azza wa Jal dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. فبعدما بين الله سبحانه وتعالى الحكمة من خلق الإنسان يتكلم الرب تبارك وتعالى عن الدنيا وعن الرزق والأرزاق فما العلاقة بينهما. Regardez, Allah Azza wa Jal dans le Coran dit: Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, après avoir expliqué le but pour lequel il nous a créés, il dit: Je ne veux de eux ni la subsistance, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vient et qui subvient aux besoins des hommes. Dans le sens du verset. Le shir dit: Quelle est la relation entre la création de l'homme et pourquoi après parler de cette dunya? يقول لأن أكثر ما يشغل الإنسان عن طاعة الله وعن عبادة الله السعي وراء الرزق. Il dit parce que ce qui occupe le plus la personne et qui fait écarter le plus la personne du but pour lequel Allah Azza wa Jal l'a créé, c'est le fait de rechercher la dunya. Donc c'était une petite sagesse, une petite hikmah du Cheikh Rahimahullah. Une personne disait, la dunya est comme une monture. Si tu la maîtrises, elle te conduira. Mais si c'est elle qui te dirige, elle te conduira à ta perte. وأخذ عبد الله بن مسعود هذه الموعظة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. Et عبد الله بن مسعود, encore une fois, a tiré ses exhortations du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le musulman tire sa croyance, tire sa religion, puise de sa religion dans les paroles d'Allah, dans l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la parole des sahaba radhiyallahu anhum, selon leur compréhension. قال الله عز وجل ويحذر عباده من الافتتان بالدنيا يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Allah Azza wa Jal dit, en mettant en garde ses serviteurs d'être perturbés, d'être pris, trompés par cette dunya, il leur dit, ô vous les hommes, la promesse d'Allah est la vérité. Ne vous laissez pas tromper par cette vie, et que le trompeur ne vous trompe pas. Wa yaqulu ta'ala fa'amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya fa'inna al-jahima hiya al-ma'wa. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, quant à celui qui aura dépassé les limites et qui aura préféré cette vie, alors l'enfer sera son refuge. Qu'Allah nous en préserve. Wa yaqulu ta'ala inna alladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati ad-dunya wa tma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun. Oulaïka ma'wahum nar bima kanu yaksibun. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre et qui se sont satisfaits de la vie présente et qui s'y sentent en sécurité et qui sont inattentifs à nos versets et à nos signes, cela leur refuge sera le feu pour ce qu'ils ont acquis. ويقول تعالى اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر وتكاثر بينكم في الاموال وتكاثر بينكم في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset, écoutez bien ce verset, sachez que la vie présente n'est que jeu, n'est que amusement, n'est que vaine parure, n'est qu'une course à l'orgueil entre vous et une rivalité des richesses et des enfants. Et Allah donne un exemple ensuite. Il dit, la vie, elle est en cela pareille à une pluie dont la végétation émerveille les cultivateurs. Dont la végétation qui vient après cette pluie émerveille les cultivateurs. Puis, elle fane et tu la vois donc jaunie et ensuite elle devient des débris, cette végétation. C'est ça l'exemple de la dunya. Et Allah Azza wa Jal dit, et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment, un pardon et un agrément d'Allah. Et la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته يحذرنا من الافتتان بالدنيا لأن من افتتن بالدنيا يجمع ولا يبالي haraman am halalan. Al-muhim ajma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même met en garde sa communauté et il nous met en garde contre le fait de se faire tromper, le fait d'être perturbé par cette vie. Yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inna ad-dunya hulwatun khadira. Hulwa khadira. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cette vie est douce et tendre. Effectivement, cette vie est douce et tendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous a mis sur terre et vous fait succéder génération après génération pour voir comment vous allez agir. Et comment vous allez vous comporter? Et le prophète me dit, prenez garde à cette vie et prenez garde aux femmes. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها والحديث رواه البخاري ومسلم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم dit, parmi les choses dont je crains le plus pour vous après moi, c'est que la splendeur et la beauté de cette vie ne vous soit donnée. فَوَاللَّهِ مَا تُرِكَتِ الصَّلَاةِ إِلَّا بِسَبَبِ الْإِفْتِتَانِ بِالدُّنْيَا قَالَ تَعَالَى فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةِ لماذا؟ تَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. الله عز وجل dit dans le Coran, il nous montre pourquoi les gens, par exemple, délaissent la prière. Et de manière générale, pourquoi ils délaissent l'adoration. Pourquoi la personne ne donne pas la zakat. Pourquoi la personne ne fait pas des sadaqat. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et des générations mauvaises les ont succédé. Et ils ont délaissé la prière. Pourquoi? Pour quelle raison? Taba'u shahawat. Ils ont suivi leur passion. Ils ont suivi les plaisirs de cette vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il tombera une chose très grave. هذه الموعظة الثانية. Voici la deuxième exhortation de Abdullah ibn Mas'ud. C'est que le musulman ne doit pas être perturbé, ne doit pas être trompé par cette vie, au point de délaisser son paradis pour cette vie d'ici-bas. Et le musulman doit être dans le juste milieu. Il ne doit ni tomber dans l'exagération, parce que nous avons des devoirs. Et il ne doit pas tomber dans la négligence, parce qu'il sera questionné. المواعظة الثالثة يحث فيها ابن أمي عبد أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحثنا ويحث المسلمين على طلب العلم الشرعي والعمل به. Troisième exhortation de عبد الله بن مسعود, très importante aussi, c'est qu'il incite les musulmans et nous incite à rechercher la science. À rechercher la science du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète sallam et de la mettre en pratique. Parce que l'une doit aller avec l'autre. يقول عبد الله بن مسعود اغدو عالما او متعلما ولا تغدو فيما بين ذلك فان ما بين ذلك جاهل وان الملائكة تبسط اجنحتها لرجل غدا يطلب العلم من الرضا لما يصنع. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu disait, le matin lorsque tu sors, sors soit pour enseigner aux gens ou soit pour apprendre des gens, et ne sois pas entre les deux, car entre les deux il y a l'ignorant. Et il dit, les anges déploient leurs ailes à l'homme qui recherche et qui part rechercher la science en signe de satisfaction de ce qu'il fait. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عليكم بالعلم قبل ان يرفع ورفعته او رفعه موت رواته فوالذي نفسي بيده لا يودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء ماذا يودها هؤلاء يودون أن يبعثهم الله عز وجل علماء لما يرون من كرامتهم فإن أحدا لم يولد عالما وإنما العلم بالتعلم. Et Abdullah ibn Mas'ud disait, recherchez la science avant qu'elle ne disparaisse. Et la science disparaît avec la mort des savants et de ceux qui la portent dans leur poitrine. Car par Allah, des hommes qui sont morts martyrs dans le combat, Yom al-Qiyamah, souhaiteront être ressuscités en tant que savants. Vu l'honneur et la place qui est attribuée aux savants et aux hommes de science. Et personne ne naît savant. Et la science s'acquiert avec l'apprentissage. Subhanallah. Wa yaqulu radiyallahu anhu, ta'allamu al-ilma, fa'idha alimtum, fa'amalu. وقال ويل لمن لا يعلم ولو شاء الله لعلمه وويل لمن يعلم ثم لا يعمل سبع مرات. Et Abdullah ibn Mas'ud disait, apprenez la science et lorsque vous l'apprenez, mettez-la en pratique. Malheur à celui qui ne sait pas, si Allah le voulait, il l'aurait enseigné. Et malheur à celui qui sait, mais qui ne met pas en pratique. Et il a dit ça cette fois. فَإِن كُنْتَ لَا تَعْلَمُ فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ. Si la personne ne sait pas, c'est une catastrophe. Mais si la personne sait et elle ne met pas en pratique, la catastrophe est encore plus grande et énorme sur Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول عبد الله بن مسعود لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسول الله ومن أكابرهم فإذا جاء العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا والصغار كما قال أهل العلم هم الجهال أو الجهلة والمبتدعة نسأل الله العافية. Et Abdullah ibn Mas'ud disait, les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils puiseront leur science des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des grands. Et lorsqu'ils puiseront leur science des ignorants ou bien des innovateurs, alors c'est ils périront. Wa yaqul wa innakum lan tazalu bi khayrin ma dama al-'ilmi aw ma dama al-'ilmu fi kibarikum. فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. Et Abdullah ibn Mas'ud disait, vous ne cesserez d'être dans le bien, dans le khayr, tant que la science vous la puisez des savants et des grands savants. Et si vous prenez la science des ignorants, des innovateurs dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors سفه الصغير الكبير, le petit rendra insensé le grand. Tu trouveras des gens qui ne savent même pas faire une phrase, une jumla mufida en arabe, qui connaît du Coran que très peu. Et ce qu'il connaît, il ne le récite pas correctement. Qui connaît très peu de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui connaît très peu la religion d'Allah, et qui te dira tel savant est un mourji, ou tel savant est un égaré. Le petit parle à propos des grands qui a reçu et qui ont reçu les éloges des hommes de science et de la communauté. من أين أخذ هذه الوصايا وهذه المواعظ؟ والله أخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله. D'où Abdullah ibn Mas'ud a-t-il tiré ces exhortations et ces paroles de sagesse? Il les a tirées du livre d'Allah et les a tirées de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الله عز وجل وهو يحث على طلب العلم ويثني على العلماء يقول تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فلم يسوي ربنا سبحانه وتعالى بين العالم وبين الجاهل كما لم يسوي بين أهل الجنة وأهل النار وكما لم يسوي بين الأعماء والبصير ولا الظلمات ولا النور والجواب محذوف لأنه معلوم لدى الجميع أن أهل العلم لا يستوون مع غيرهم. الله عز وجل dans le Coran, en nous exhortant, en nous incitant à apprendre la science et à respecter les hommes de science, Allah fait l'éloge de ces derniers. Il dit: est-ce que sont-ils égaux, les hommes de science, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Sont-ils égaux? Est-il semblable l'ignorant et le savant? Est-ce que le jour est semblable à la nuit? Est-ce que le paradis est semblable à l'enfer? Et regardez ici, Allah Azza wa Jalla pose une question et il ne donne pas la réponse. Parce que tout le monde connaît la réponse et tout le monde sait que les hommes de science ne sont pas au même rang que les autres personnes. ويقول تعالى في كتابه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ويقول تعالى وقل رب زدني علما. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran dit: et Allah élèvera en degré ceux qui ont cru parmi vous et ceux à qui la science a été donnée. il les élèvera de haut degré. Et Allah Azza wa Jal dit aussi, seuls craignent Allah subhanahu wa ta'ala les savants et les hommes de science. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Ô Allah, rajoute-moi de la science. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, dit à propos de ce verset, s'il y avait quelque chose de mieux que la science, Allah Azza wa Jal aurait ordonné au prophète de lui demander encore plus de cette chose. Mais comme il n'y a rien de mieux que la science, Allah Azza wa Jal a demandé au prophète de lui dire, « Oh Allah, rajoute-moi de la science. » Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yahuthu ummatahu ala talab al-ilm. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la hasada illa fi ithnatayn. Rajulun ataahu Allah malan fasallatahu ala halakatihi fi al-haq. Wa rajulun ataahu Allah al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nas. والحديث صححه شيخ الألباني رحمه الله وهو في سنن ابن ماجه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite aussi à apprendre et rechercher la science. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la jalousie, être envieux d'une personne, n'est permis que dans deux cas. Le premier cas, c'est un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une fortune et qui la dépense dans les domaines du bien. Deuxième personne, un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la sagesse. Et cette personne juge avec cette sagesse, il s'en sert pour juger entre les gens, et il enseigne cette sagesse aux hommes et aux autres personnes. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والحديث رواه مسلم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui emprunte un chemin de la science. Et le mot yaltamisu, ça sous-entend, c'est pas tu recherches la science pendant une semaine et après pendant trois mois t'arrêtes. Yaltamisu, ça veut dire la personne régulièrement, quotidiennement, recherche la science, recherche à comprendre le livre d'Allah, recherche à comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une recherche en continu. Ça veut dire celui qui recherche la science, Allah Azza wa Jal va lui faciliter un chemin pour aller au paradis. Regardez où aboutit la science, où aboutit-elle? Où te ramène-t-elle la science? Lorsque tu la mets en pratique, elle te ramène au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fi ad-din. Wa al-hadith rawahu al-Bukhari. Ça veut dire celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la bonne compréhension de la religion. Wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul ad-dunya mal'una mal'un ma fiha illa dhikra Allah wa ma walah aw 'aliman wa muta'allima. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cette vie et tout ce qu'elle contient est maudite sauf trois choses: l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui s'ensuit. Le savant et aussi la personne qui enseigne la religion et qui recherche la science. Ceci concernait la troisième exhortation de Abdullah ibn Mas'ud. Al-maw'idatu al-rabi'a hiya wasiyatu rasul wasiyatu Abdullah ibn Mas'ud bi-ittiba'i as-sahabati wa tahdhirih min at-tanakkub 'an minhajihim. La quatrième exhortation de Abdullah ibn Mas'ud, c'est le fait de suivre la voie des compagnons, de s'attacher à leur compréhension et en aucun cas de s'écarter de leur voie, car il y a une mise en garde. Yaqulu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, man kana mustannan falyastanna biman mat. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد كانوا والله أفضل هذه الأمة وأعمقها علما وأتقاها قلوبا وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من دينهم وأخلاقهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم على الصراط المستقيم. عبد الله بن مسعود, écoutez cette exhortation très importante, il dit: celui parmi vous qu'il recherche modèle, qu'il recherche un exemple, combien sont les gens qui recherchent des modèles aujourd'hui? Même parmi les musulmans ne savent plus qui suivre, qui prendre au modèle, alors qu'Allah dit dans le Coran: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah a dit dans le Coran, il y a vraiment un bel exemple dans le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous lisons le verset et nous le mettons en nous sommes en contradiction avec lui, ou certains sont en contradiction avec lui dans la vie de tous les jours. Abdullah Mus'ud, celui qui recherche modèle, qu'il recherche modèle sur ceux qui sont morts parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le vivant n'est pas à l'abri de la tentation. Il dit: les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient les meilleurs des hommes, les gens dont les cœurs étaient les plus pieux, les plus dévoués, les gens dont la science était la plus ancrée, les gens qui s'imposaient très peu de cette vie. C'était des gens qu'Allah azza wa jal a choisi pour secourir son prophète et pour rétablir la religion d'Allah. Reconnaissez leurs mérites et suivez-les dans leurs pas, et attachez-vous à leur comportement, à leur religion, comme vous le pouvez, car ils étaient sur la voie droite. وهذه الوصية من أين أخذها عبد الله بن مسعود؟ والله أخذها من كتاب الله وسنة رسول الله. D'où عبد الله بن مسعود a-t-il tiré cette exhortation? والله qu'il l'a tiré du livre d'Allah et de la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله عز وجل dans le Coran: ceux, les premiers parmi les musulmans, parmi les muhajir et parmi les ansar, et ceux qui les ont suivis, Allah est satisfait de eux et ils sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul: alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, 'addu 'alayha bin nawajidh. Le prophète sallam lui-même disait: attachez-vous à ma sunna et à la voix et la sunna de mes compagnons. Et mordez dans cette sunna. Wa rabbuna subhanahu wa ta'ala yuhadhdhiru min at-tanakkubi 'an minhaj as-sahabah. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla: wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin. 'Ala man nazalat hadhihi al-aya wa man haula al-mu'minin? Hum ashabu Muhammadin اولا وقبل كل شيء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده قال الصحابه ومن هم يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انا عليه اليوم و Ashabi. Et regardez Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran aussi met en garde dans le fait de s'éloigner de la voie des compagnons. Allah dit: celui qui fait scission du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam après que la vérité lui soit parvenue, et Allah rajoute: et qui suit un autre chemin, une autre voie que celle des croyants. Qui rentre dans les croyants en premier dans ce verset lorsqu'il est descendu, si ce n'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ceux qui font ça, qui s'éloignent de la voie du prophète et de ses compagnons, Allah, que dit-il? Subhanahu wa ta'ala, il dit: ils tomberont dans l'enfer et nous détournerons de eux comme ils se sont détournés. Et quel mauvais avenir et quelle mauvaise destination. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ma communauté va se diviser en 73 groupes, 73 sectes. Tous iront en enfer sauf une. Ils ont dit: qui ya Rasulallah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui suivent ma voix et celle de mes compagnons. C'est pourquoi le musulman doit être attaché à la croyance, à l'adoration, au comportement, à la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et au-delà de là, qif haythu waqafa an-nas fa innahum an 'ilmin waqafu. Abstiens-toi là où eux se sont abstenus, car lorsqu'ils se sont abstenus, ils se sont arrêtés, ils l'ont fait avec science. هذه هي الوصية الأخيرة لعبد الله بن مسعود. Ceci est la quatrième recommandation de Abdullah ibn Mas'ud qui concerne le fait de rester sur la voie des compagnons du Prophète sallam et une mise en garde sur le fait de s'éloigner de la voie des compagnons du Prophète sallam. Et aujourd'hui la communauté est divisée du fait que chacun veut suivre le Coran, chacun veut suivre la Sunna, mais selon sa compréhension ou selon la compréhension de son leader ou de son shir, alors que nous devons suivre le Coran et la Sunna comme le Prophète sallam l'a mis en application et comme les sahaba radiyallahu anhum l'ont mis en application. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.